Pour l'animal que je vis au travers de Ferdinand Raillefer. Ma vie, c'est Ferdinand Raillefer. Je suis une nouvelle créature. Depuis que j'ai accepté Ferdinand Raillefer dans ma vie. Tout ce que je possède vient de Ferdinand Raillefer, qui agit par sa force surnaturelle, sur la nature, sur la société, sur le cosmos, et sur les astres. Tout ce que je possède, je le dois à Ferdinand Raillefer. Puisque c'est Ferdinand Raillefer qui m'a permis de l'avoir. Et je remercie Ferdinand Raillefer en lui donnant le cinquième de tous mes revenus avant taxes et impositions. Je suis prêt à tout pour faire plaisir à Ferdinand Raillefer. Je mourrais si cela faisait plaisir à Ferdinand Raillefer. L'année dernière, je suis sévèrement tombé malade. C'est à Ferdinand Raillefer que je dois ma maladie. J'avais mal calculé le montant des taxes, et par conséquent, j'avais donné moins que le cinquième à Ferdinand Raillefer. C'est pour cela que je suis tombé malade. Que Ferdinand Raillefer en soit remercié pour l'éternité. J'ai une fille de mon mari, mais elle est, en vérité spirituelle, la fille de Ferdinand Raillefer. Puisque c'est Ferdinand Raillefer qui donne toute vie, sur terre, dans la mer, dans les mers, dans le cosmos, et sur les astres. Elle sera donc consacrée à Ferdinand Raillefer toute sa vie. Depuis 10 ans, Ferdinand Raillefer m'a libéré des veines fumées de la vie matérialiste. Ma vie, c'est Ferdinand Raillefer.